Oh, nous sommes le 19e siècle, nous sommes le peuple nouveau. Échafaud, qu'est-ce que vous nous voulez? Ô machine monstrueuse de la mort, hideuse charpente du néant, apparition du passé, toi qui tiens à deux bras ton couperet triangulaire, toi qui secoues un squelette au bout d'une corde, de quel droit reparaissez-vous en plein midi, en plein soleil, en plein 19e siècle, en pleine vie? Vous êtes des spectres, vous êtes les choses de la nuit, rentrez dans la nuit. Qu'est-ce que vous venez faire, toi, guillotine, au milieu de Paris, toi, gibet, en face de l'océan? Peuple de pêcheurs, bons et vaillants hommes de la mer, ne laissez pas mourir cet homme. Ne jetez pas l'ombre d'une potence sur votre île charmante et bénie. Il y a des abîmes dans les insurgences humaines, comme il y a des gouffres dans les flots. Songez aux jours d'orage, aux nuits d'hiver, aux forces irritées obscures qui s'emparent de vous à de certains moments. N'ouvrez pas de vos propres mains une tombe au milieu de vous. Non, plus de supplice. Nous, hommes de ce grand siècle, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons pas plus pour le coupable que pour le non-coupable. Je le répète, le crime se rachète par le remords et non par un coup de hache ou un nœud coulant. Le sang se lave avec les larmes et non avec le sang. Non, ne donnons plus de besogne aux bourreaux. Tous les échafauds ont commis des crimes. Le code de meurtre est un scélérat masqué avec ton masque, ô justice, et qui tue et massacre impunément. Tous les échafauds et leurs équivalents portent des noms d'innocents et de martyrs. Calas, Jeanne d'Arc, Socrate, Jésus-Christ. Insulaire de Guernesey, ne tuez pas cet homme. Ne dites pas, que nous vous cet étranger. Ne dites pas au banni, de quoi te mêles-tu? Ce n'est pas ton affaire. Je me mêle des choses du malheur. C'est mon droit, puisque je souffre. L'infortune a pitié de la misère. La douleur se penche sur le désespoir. Pour moi, cet assassin n'est plus un assassin. Cet incendiaire n'est plus un incendiaire. Ce voleur n'est plus un voleur. C'est un être frémissant qui va mourir. Le malheur le fait mon frère. Je le défends. Homme de Guernesey, ce qui vous parle en cet instant, ce n'est pas moi, qui ne suis que l'atome emporté dans n'importe quelle nuit par le souffle de l'adversité. Ce qui s'adresse à vous aujourd'hui, je viens de vous le dire, c'est la civilisation tout entière, c'est elle qui tend vers vous ses mains vénérables. Un dernier mot, et j'ai fini. Reposez le regard du genre humain. Oui, en ce moment où le sang des hommes coule à ruisseaux à cause d'un homme, en ce moment où l'Europe assiste à l'agonie héroïque des Turcs sous le talon du Czar triomphateur qu'attend le châtiment, en ce moment où la guerre, évoquée par un caprice d'empereur, se lève de toutes parts avec son horreur et ses crimes, qu'ici, du moins, dans ce coin du monde, dans cette république de marins et de paysans, on voit ce beau spectacle, un petit peuple brisant l'échafaud. Que la guerre soit partout, et ici la paix. Que la barbarie soit partout, et ici la civilisation. Que la mort, puisque les princes le veulent, soit partout, et que la vie soit ici. Tandis que les rois, frappés de démence, font de l'Europe un cirque où les hommes vont remplacer les tigres et s'entre-dévorer, que le peuple de Guernesey, de son rocher, entouré des calamités du monde et des tempêtes du ciel, fasse un piédestal et un autel. Un piédestal à l'humanité, un autel à Dieu. De Jersey, Marine Terrace, où Hugo était allé s'établir avec sa famille en août 1852, après son séjour dans l'île voisine de Guernesey.